İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Fe merhaban bikum cemian ya el ihwa. Wal-ikhwa, yani wal-akhawat, auditeurs et auditrices qui nous suivaient sur la radio Bilal Al-Kini, dans cette collaboration qui se veut être une collaboration entre mon humble personne et les frères de Ahlus Sunna wal-Jama'a de Montpellier, du collectif Lil-Ilm et wal-Rahma, yani pour le savoir et la miséricorde, marhaban bikum jami'an. Donc, ya ayyuha al-ikhwa, nous reprenons dans cette assise dans l'explication de Cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali Al-Jabiri Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Et donc nous reprenons dans son explication de l'épître Thalathat al-Usul, les trois principes fondamentaux de Cheikh al-Islam Muhammad al-Tamimi. Parmi les notions que nous avions vues dans le cours précédent, nous avons vu que Al-Hanifiyya, c'était la religion d'Ibrahim, et ça consistait à ce que tu vois un culte exclusif à Allah. Concernant le verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَا لِعْبُدُونَ » « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Parmi les bénéfices qu'on avait tirés de la partie de l'explication de Cheikh Ubayd autour de ce verset, c'est qu'on avait vu la définition de l'ibada. L'ibada, on avait vu que c'était, yani, dans la linguistique, on avait vu deux sens, la linguistique et le contexte religieux. Dans le contexte religieux, on avait vu que c'était « ismun jami'a » un nom qui englobe li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, de concernant, yani qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, min al aqwali wal a'mal, parmi les paroles et les actes, al-zahira wal batina, yani parmi les actes apparents ou cachés. Non. Parmi les points importants qu'on avait vus, on avait vu les trois piliers de l'adoration, c'est-à-dire les trois émotions qu'on avait mentionnées, qui sont des éléments qui poussent le cœur à l'adoration. Et on avait vu que c'était la peur, l'espoir et l'amour. Également, parmi les enseignements que l'on avait vus, il y en a par rapport à ce verset, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On en tire la foi dans l'existence des djinns. Également, parmi les éléments qu'on avait tirés, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien transmis le message, c'est-à-dire que son message, la religion de l'islam, il l'a transmise même aux djinns. Et ceci a été attesté par les textes du Coran et de la Sunna. Et donc les textes du Coran et la Sunna affirment cela, et l'existence des djinns est affirmée par le Coran, la Sunna, la raison, et également par la perception sensorielle, c'est-à-dire l'observation, le fait que certains d'entre eux ont été vus et que ça a été rapporté par des gens dignes de confiance. Ensuite, nous allons donc passer à la nouvelle matière, bi-idhnillahi azza wa jal. Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, mentionne. Il dit, concernant la partie de l'explication de l'auteur concernant le verset, c'est-à-dire que dans la fin du verset, il est dit « Illa li'abudun » yani, « Je n'ai créé les djinns et les hommes, illa li'abudun » c'est-à-dire « Si je ne les ai créés que pour qu'ils m'adorent »« Wa ma'na ya'budun yuwahidun » c'est-à-dire, yani, le sens qu'ils m'adorent, c'est-à-dire « yuwahidun » qu'ils m'unifient, c'est-à-dire qu'ils me vouent un culte exclusif, qu'ils m'adorent moi seul. Cheikh Ubayd al-Jabiri dit « Wat tawhid » Et le monothéisme, c'est huwa ifradullahi bil ibada. C'est le fait d'unifier Allah dans son adoration. C'est-à-dire le fait de vouer une adoration pure et exclusive à Allah, n'adorer qu'Allah. Hada huwa tawhid al-uluhiyya. Il dit ça, c'est le tawhid de ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, le droit exclusif d'Allah à être adoré. Wa l'ihtimamu bihi akthar. Et yani, c'est cette catégorie de tawhid à laquelle on doit accorder le plus d'importance. لأن أكثر الناس منكرون له car la majorité des gens le nie, le rejette. فهو أعظم ما أمر الله به et c'est le plus grand ordre qu'Allah ait émis à l'égard de la création. C'est-à-dire c'est le plus grand ordre d'Allah, le fait de concrétiser l'adoration d'Allah seul. وهو الذي وقع فيه النزاع والخصومة بين الأنبياء وأمامهم et c'est à son propos, c'est-à-dire à propos du culte pur qui doit être voué à Allah, c'est à ce sujet-là qu'est survenu le conflit et la dispute entre les prophètes et leur communauté. Et concernant le plus grand interdit, c'est-à-dire le plus grave des péchés, le plus grave des crimes qu'Allah nous ait interdit, c'est le shirk, le polythéisme ou l'associationnisme avec Allah, le fait de donner des associés à Allah Azzawajal dans son adoration. Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne en disant وَقَدْ مَضَى تَعْرِفُهُ, c'est-à-dire que sa définition a déjà été mentionnée. Effectivement, on avait vu dans le deuxième paragraphe de la Muqaddima trois points importants: l'obéissance envers le messager, le fait de ne pas associer à Allah et de concrétiser al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Et justement, lorsqu'on avait expliqué le shirk, si vous vous rappelez, on avait vu que le shirk lughatan, c'était taswiya, le fait d'établir une équivalence entre deux choses, par exemple. Et dans le contexte religieux, l'istilah, c'est taswiyatu ghayrillah billahi, c'est-à-dire le fait d'établir une équivalence entre Allah et une créature, yani une entité qui serait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabri dit, وَقَدْ مَضَى تَعْرِفُهُ, yani sa définition a déjà été mentionnée précédemment, وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخ عَلَى هَذَيْنَ الْأَمْرِينَ, et le Cheikh, c'est-à-dire l'auteur, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, a utilisé un verset comme argument pour étayer son propos concernant le fait que أَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ, c'est-à-dire concernant ces deux éléments, le fait que l'auteur il a affirmé que le plus grand ordre qu'Allah ait émis vis-à-vis de sa création, c'est le fait de l'adorer seul, et que le plus grand interdit qu'il ait émis, c'est le fait de faire du shirk. Il nous a interdit de faire du shirk. La preuve de ces deux éléments qu'il a affirmé, c'est le verset qu'il a mentionné, بقوله تعالى وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc on voit qu'il y a l'ordre du tawhid, وَعْبُدُ اللَّهَ, et adorer Allah, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, là il y a en cela l'interdiction du polythéisme. Ensuite il dit وَهَذَا مَا تَعْوَدْنَاهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى يَأْمُرُ بِعِبَادَتِهِ وَيَنْهَا عَنِ الشِّرْكِ بِهِ, c'est-à-dire c'est ce à quoi nous avons été habitués de la part d'Allah, yani dans ce que nous avons observé dans sa législation, dans ses textes de la révélation, le fait qu'il ordonne son adoration et qu'il interdit le fait qu'on lui donne des associés. وَفِي ذَلِكَ رَدٌ عَلَى بَعْدِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الدَّعْوَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ يُؤْمَرُ الْإِنسَانُ بِالْإِيمَانِ وَيُعَلَّمُ الْإِيمَانُ وَيُتْرَكُ فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَنْهَاهُ عَنِ الْمَعَاصِي. Donc il dit, Cheikh Ubayd al-Jabri dit qu'en cela, il y a en cela une réfutation à l'encontre de certains parmi ceux qui s'affilient au prêche, c'est-à-dire au domaine de la prédication, qui parmi eux, il y a ceux qui disent يُؤْمَرُ الْإِنسَانُ بِالْإِيمَانِ, c'est-à-dire qu'on ordonne à l'individu de croire. وَيُعَلَّمُ الْإِيمَانِ وَيُتْرَكُ, et on lui enseigne la foi simplement, et on le laisse comme ça. فَإِنَّ الْإِيمَانِ يَنْهَاهُ عَنِ الْمَعَاصِي, et c'est sa foi qui va l'empêcher de pécher, sans l'instruire dans les péchés. On ne l'instruit pas sur les péchés, on lui enseigne la foi et on le laisse comme ça. Et c'est sa foi qui va le guider vers le fait de ne pas pécher. Cheikh Ubayd al-Jabri manifeste son étonnement et ou son mécontentement vis-à-vis de ce genre de propos en disant Subhanallah. Il dit أَنْتُمْ عَلَمُوا أَمِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, ils disent, êtes-vous, vous, les plus savants, ou est-ce Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allahu a'lamu bima yajibu lah, wa bima yakrah. Yani, c'est-à-dire que Allah est celui qui est le plus savant concernant ce qu'il aime pour lui, et ce qu'il déteste, subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu a'lamu al-khalqi bi shara'illah. Et son messager, alayhi salatu wa sallam, est la plus savante de ses créatures concernant la législation d'Allah. قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن نبي قبل إلا دل أمته على خير ما يعلمه لها وحذرها شر ما يعلمه لها. Le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné dans ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, qu'il n'y avait pas un prophète avant moi sans qu'il n'ait orienté sa communauté vers tout bien qu'il connaissait pour elle, et qu'il n'eût averti sa communauté contre tout mal qu'elle connaissait pour elle. C'est-à-dire tout mal qu'il connaissait comme étant un mal pour elle. Il dit, Cheikh Ubayd al-Jabri, هَكَذَا الدَّعْوَى, c'est ainsi qu'est accompli le prêche, la prédication. فَدَعْوَةُ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ta'siyan bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un appel à Allah qui est accompli avec clairvoyance, tout en prenant comme modèle et en exemple son messager alayhi sallatu wa sallam. Tatadammanu l'amr bit-ta'at wa 'azamuha at-tawhid. Et donc cette prédication, c'est-à-dire cet appel à Allah qui est accompli avec clairvoyance en prenant comme modèle le messager d'Allah, va impliquer, va comprendre, va englober le fait d'ordonner les actes d'obéissance. Et le plus grandiose d'entre eux, le plus grand d'entre eux, c'est le tawhid, l'adoration d'Allah exclusif. Et ça va impliquer aussi d'interdire l'accomplissement des péchés. Et le plus grand des interdits est le polythéisme avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَفِي الصَّحِحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. Il dit dans les deux sahih, dans le sahih de l'imam al-Bukhari et dans le sahih de l'imam muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc il dit, j'ai questionné le messager d'Allah, qu'Allah le couvre de l'âge et lui accorde le salut. أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمْ. Quel est le péché qui est le plus grave? C'est-à-dire, quel est le plus grand des péchés? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a répondu, que tu donnes à Allah des égaux alors qu'il est celui qui t'a créé. Et Abdullah ibn Mas'ud dit qu'après avoir entendu cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, et ça c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose d'énorme. Thumma madha. Puis après ça, quoi? C'est-à-dire, quel est le péché le plus grave après cela? Le fait que tu tues ton propre enfant de peur qu'il se nourrisse avec toi. Et Abdallah Mas'ud dit qu'après cette deuxième réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, puis après cela, quoi? Que tu fornique avec la femme de ton voisin. Donc on voit que dans ce hadith, il y a eu des interdits qui ont été mentionnés. Et donc le cheikh Ubayd al-Jabri rahimahullah dit wa anzala Allahu tasdiqan nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-ayat wal ladina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Et ça, c'est le verset de Sourate Furqan. Donc, Allah Azzawajal a mentionné ce qui corrobore le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le passage du Coran suivant. Yani, et ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui ne tuent pas, c'est-à-dire qui ne portent pas atteinte à la vie qu'Allah a rendue sacrée, si ce n'est de bon droit, et qui ne forniquent pas. Il dit. Donc il dit, observez ce qu'englobait comme élément le hadith. Le hadith comprend dans sa mention des interdits. Et le plus grand des interdits est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idhan, هذا القائل الذي يدعو الناس إلى الإيمان ويدعو إلى تركهم بعد ذلك إما جاهل بفقه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضال مضل صاحب بدعة. Il dit donc, ce hadith comprend la mention d'interdits, et le plus grave d'entre eux, c'est le fait de faire du shirk, c'est le plus grand des interdits. Il dit فإذن, et ainsi donc هذا القائل, donc celui qui a prétendu, qui a dit الذي يدعو الناس إلى الإيمان, yani celui qui prétend que donc on appelle les gens à la foi. On leur apprend la foi et on se contente de ça et on les laisse comme ça. Après, ce genre d'individu qui tient ce genre de propos, soit c'est quelqu'un qui est ignorant, il n'a aucune compréhension quant à la prédication, le prêche qu'accomplissait le prophète, alayhi salatu wasalam, ou c'est un égareur d'autrui, c'est-à-dire que c'est un égaré en lui-même et qu'il est quelqu'un qui égare les autres et que c'est un adepte des innovations. Ensuite, on aborde le prélude. On aborde le prélude bi-idhnillahi azza wa jal. Bon, قال المصنف. Donc là, on est en train d'aborder la parole de l'auteur, rahimahullah, cher l'islam. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai sauté quelque chose? Ok, je t'ai vu sourire, j'ai cru que j'allais sauter quelque chose. Afwan, barakallahu fik. Taïb. قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que donc l'auteur, cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab al-Tamimi رحمه الله, dit donc si jamais il venait à être dit quels sont les trois fondements qu'il incombe au serviteur, à tout individu, à toute personne, de connaître. Il dit, Fakul, donc dans ce cas-là, répond à celui qui t'interroge de cette manière-là, en lui disant, il lui incombe au serviteur d'avoir la connaissance de son Seigneur, wa dinahu, et de sa religion, wa nabiyahu Muhammadan, et de connaître son prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Concernant cette partie de l'ouvrage, Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, dit wal-asl, donc, pardon, al-usul, il explique qu'est-ce que ça veut dire al-usul. Il dit jam'u asl. Le terme usul, c'est le pluriel du mot asl. Et le mot asl, ça renvoie au terme fondement, qu'on traduit par fondement ou base. Il dit fil-lugha, dans la linguistique, ma yubna alayhi ghayruhu wa yutawalladu minhu. Quel assas est aslu bina, ou le jidar aslu shajara. Qala ta'ala asluha thabitun wa faru'aha fi samaa. Dans surat Ibrahim. Fa asluha jidar'uha. Et donc, justement, le terme fondement, on le dit au pluriel, l'usul, les fondements. Et au singulier, on dit l'asl. Et ça renvoie à quelque chose sur laquelle on établit autre. Ça, c'est-à-dire quelque chose qui sert de base, de fondement pour qu'on y construise quelque chose ou quelque chose qui va en découler ou en dériver. Donc ça, c'est une base, une fondation. À l'image de ce qu'on appelle yani al-asas asul bina. Al-asas, c'est-à-dire la fondation, c'est la base de l'édifice, d'un édifice, d'une construction. Et al-jidha, la souche, c'est la base de l'arbre. Et donc, il mentionne dans le verset numéro 24 de Surat Ibrahim, dans lequel Allah Azzajal fait référence à la souche de l'arbre. أصلها ثابت وفرعها في السماء. C'est-à-dire dont la base de cet arbre-là, sa souche, est ferme, yani est fermement enracinée dans le sol, et dont la ramure s'élève dans le ciel. Yani, c'est-à-dire les branches sont yani vers le ciel. فأصلها جذاعها. C'est-à-dire que sa base, c'est fait référence à sa souche. طيب. Ensuite, وفي استلاح أهل العقيدة. Et concernant le sens du terme usul, lorsque l'on utilise, yani lorsque les ulema qui abordent le sujet de la aqida utilisent ce terme-là, ça renvoie à usul al-din, c'est-à-dire les bases de la religion, les bases sur lesquelles est basée la religion, c'est-à-dire wa asasuhu, c'est-à-dire sa base fondamentale, allati yubna alayha, c'est-à-dire c'est la base, les éléments fondamentaux de la religion sur laquelle la religion est établie. وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit ces trois éléments. Il fait référence ici à la connaissance que le serviteur a de son Seigneur, de sa religion et de son prophète Mohammed. Ces trois connaissances-là sont établies dans le Coran, dans la Sunna, et de par l'unanimité des musulmans. Et on avait vu que l'ijma était un délit. Le consensus, l'unanimité, était une preuve. وَهِيَ مَسَائِلُ الْقَبْرِ ثَلَاثِ. Et ces trois éléments, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les trois questions de la tombe. فَإِنَّ الْمَيِّتِ إِذَا وُدِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَهْلُهُ أتاه الملكان فأقعداه. Il dit car le défunt, c'est-à-dire la personne qui est décédée, lorsqu'il est introduit dans sa tombe, et que ceux qui étaient avec lui, c'est les membres de sa famille ainsi de suite, qui l'ont transporté, qui l'ont enterré, lorsqu'il quitte le lieu dans lequel ils l'ont enterré, c'est-à-dire lorsqu'il quitte la tombe dans laquelle ils l'ont enterré, atahul malakan, donc viennent alors à lui deux anges, et c'est les deux anges qu'on appelle Munkar wa Nakir. Non. Et comme l'imam Ibn Abi Daoud al-Sijistani avait dit, wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara wa la hawda wal mizana innaka tunsahu, c'est-à-dire ne rejette pas Nakir et Munkar, qui sont donc les deux anges. Et donc ces deux anges viennent à lui et le font s'asseoir. Fasa'alahu hadhihi al-as'ila, et il lui pose ces questions, yani les questions qui ont été abordées et concernant ces sujets-là, en lui demandant man rabbuk, qui est ton seigneur, wa ma dinuk, quelle est ta religion, wa man nabiyuk, et qui est ton prophète. Fa in kana mu'minan qala rabbi Allah wa din al-islam wa nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Obeid al-Jaber dit, donc concernant le cas où le défunt serait du nombre des croyants, c'est-à-dire s'il est mort sur la foi, qu'Allah m'accorde cela ainsi qu'à vous. Qulu amin. Tayyib. Et donc justement, si le défunt est mort croyant, il dira, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kana ghayru dhalik, qala ha la adri, سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. C'est-à-dire, et s'il était autre que cela, c'est-à-dire si c'était, par exemple, un munafiq, qu'Allah me préserve de l'hypocrisie ainsi que vous. Donc il dira, ha, la adri, je ne sais pas. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. J'ai entendu des gens tenir un propos et je me suis contenté de le répéter. Donc il y a ici l'importance d'avoir la foi, une foi sincère et basée sur une science. Taïb, on va aborder ici à présent l'asl awwal. On va le débuter parce que ce chapitre-là est un peu long. Donc on va commencer l'asl awwal. Donc on a, pour récapituler, là on a fini la muqaddima. La muqaddima, on avait dit que le livre on pouvait le diviser en quatre. L'introduction, le premier fondement, le deuxième fondement, le troisième fondement. Là on vient de finir la muqaddima. La Muqaddima, on avait vu qu'elle était en trois paragraphes. Un premier paragraphe basé sur quatre points, la science, la mise en application, l'appel à cela et la patience. Le deuxième paragraphe concernant trois points, l'obéissance envers le messager, le délaissement de toute forme de shirk et l'accomplissement de l'alliance et du désaveu. Ensuite, le troisième paragraphe que l'on vient de finir à l'instant, qui abordait deux points, plutôt trois points. La Hanifiya, qui est la religion d'Abraham, qui consiste à adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, le plus grand ordre d'Allah étant le Tawhid, le plus grand interdit qu'Allah ait émis à l'égard de l'humanité est à shirk. Là, on vient de finir ça. Là, on va commencer, Inch'Allah, on va débuter le début de ce qu'on appelle l'étude de Marifatullah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un point important. Parce que comment tu vas adorer un Seigneur que tu ne connais pas? Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah avait expliqué que parmi les sagesses de la création de l'humanité, le fait qu'on a été créé pour l'adoration d'Allah, mais pour aussi sa connaissance. Et Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah avait dit que celui qui connaissait Allah, qui connaît Allah par ses noms et ses attributs et dans ses actes, il va l'aimer et c'est inéluctable. Qu'Allah m'accorde ainsi que vous de l'aimer. Et qu'Allah m'accorde ainsi qu'à vous d'être l'objet de son amour, c'est-à-dire qu'Allah nous aime. Taïb. Donc on commence l'asl awwal. Qala al-musannif. Donc l'auteur rahimahullah a dit l'asl awwal, le premier fondement. معرفه الرب la connaissance du seigneur فاذا قيل لك من ربك si une personne viendra te dire qui est ton seigneur فقل ربي الله الذي رباني ورب الجميع العالمين بنعمه donc dis mon seigneur est Allah celui qui m'a éduqué qui a pris soin de moi et qui a pris soin de l'ensemble des mondes de par l'octroiement de ses bienfaits c'est-à-dire de par le don de ses grâces et de ses bienfaits وهو معبودي et il est mon objet d'adoration, c'est-à-dire il est celui que j'adore. Laysa li ma'budun siwah, je n'ai en dehors de lui nul objet d'adoration, c'est-à-dire je n'adore que lui. Wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve de cela est la parole d'Allah le Très-Haut, alhamdulillahi rabbil alamin, toutes les louanges reviennent à Allah le Seigneur des mondes. Wa kullu man siwa Allah 'alim 'alamun pardon. وأنا واحد من ذلك العالم. Et donc, tout ce qui est en dehors d'Allah fait partie de sa création, fait partie de ce monde. Il y en a du monde concerné la création d'Allah. Et je suis moi-même comme étant une partie intégrante de ce monde. Taïb, Cheikh Ubayd al-Jabri explique qu'est-ce qu'englobe la connaissance d'Allah. Il dit, Ma'rifatul Rabbi taqtadil iman bih. Donc le fait de connaître le Seigneur, c'est-à-dire de connaître Allah, ça implique d'avoir foi en lui. والإيمان بما يستحقه من العبادة الخالصة والأسماء الحسنى وصفات العلى. Et donc de fait d'avoir foi dans le fait qu'il est celui à qui revient l'adoration de droit, de façon légitime, une adoration exclusivement vouée pour lui, de façon exclusive, c'est-à-dire qu'on adore personne en dehors de lui, Azza wa Jal. Et le fait d'avoir la foi qu'à lui appartiennent les noms les plus sublimes. Et les attributs de perfection, les attributs de noblesse, les attributs de perfection. وَبَدَأَ الشَّيْخُ بِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْأُصُلُ. Et le fait que l'auteur, dans les trois fondements, il a commencé par ce fondement-là, la connaissance d'Allah. Parce que c'est la base fondamentale des autres bases. نعم. طيب. وَالرَّبُّ يُطْلَقُ عَلَى الْمَالِكِ وَالسَّيِّدِ وَالْمَعْبُودِ. Donc le terme Ar-Rabb, on l'utilise... Il y en a avec la connotation de Al-Malik, le détenteur, celui qui détient la propriété. Ou Al-Sayyid, ou celui qui est le maître. Ou dans le sens Al-Ma'boud, ou dans le sens avec la connotation de celui qui est adoré. وَلَا تَجْتَمِعُ كُلُّهَا إِلَّا فِي اللَّهِ عَزَ وَجَلْ. Et ces connotations ne se retrouvent réunies conjointement que lorsque on fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Makhlouq, قد يكون ربا بمعنى سيدا أو بمعنى مالك وسيد ولكن لا تجتمع مع المعبود. Donc une créature, on peut faire référence à une créature avec le terme Rab, mais avec une connotation dans un contexte où la connotation sera le sens qu'on fait référence à cette créature avec le terme Rab comme étant le maître ou comme étant le détenteur d'une chose, le maître et le détenteur d'une chose. Cependant, ces connotations ne se retrouveront jamais réunies vis-à-vis d'une créature avec la connotation de Al-Ma'boud en même temps. Illa lillah, car ces sens ne se retrouvent tous les trois réunis que lorsque l'on fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Fahu al-maliku, al-sayyid, al-ma'boud, al-ladhi lahu al-khalq. Il est le détenteur absolu de tout ce qui existe. Il est le maître. Il est celui qui est l'objet d'adoration, celui à qui revient l'adoration de façon légitime. Alladhi lahu al-khalq, à qui appartient la création et qui détient l'ordre. Al-amr shar'an wa qadaran wa mulkan wa istihqaqan wa tadbiran wa tasrifa. Il est celui qui détient l'ordre, à qui appartient le décret, dans ce qui est relatif à sa législation, dans ce qui est relatif à la prédestination, à son décret. Et il est celui qui est le détenteur absolu de la royauté. Et celui qui gère totalement et qui a le contrôle absolu sur tout ce qui existe et qui fait ce qu'il veut dans sa création, Azza wa Jal. Wa qawluhu Rabbi Allah. Et concernant la parole, mon Seigneur est Allah. Et ma'boudi, c'est-à-dire celui que j'adore. Kama ruwiya an ibn Abbas radiallahu anhuma tafsirullah dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. فاللفظ الله والإله من الألوهية بمعنى العبادة فالله مألوه بمعنى معبود. Donc il dit Rabbi Allah, c'est-à-dire celui que j'adore, c'est Allah. Comme il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a expliqué le sens du nom Allah, c'est-à-dire le détenteur de l'ألوهية والعبودية على خلقه أجمعين, c'est-à-dire qu'il est celui à qui revient le culte exclusif et que l'ensemble de ses créatures doivent adorer de façon exclusive, et c'est un droit qu'il a sur eux. Fallah, le terme Allah et Al-Ilah sont liés à la connotation de Al-Uluhiyya, qui renvoie à l'adoration. Donc Allah, il est Al-Ma'louhu, c'est-à-dire l'adoré, Al-Ma'boud. Concernant le fait qu'il est mentionné Al-Ladhi Rabbani, Allah est celui qui a pris soin de moi, celui qui m'a éduqué. Wa tarbiyatullah lil-mukallafin ala darbayn. Et il dit, l'éducation, le fait qu'Allah prend soin de ses créatures, parmi les mukallafin, il y a deux catégories. Al-mukallafin, qu'est-ce que ça veut dire? Al-mukallaf, comme les ulémas l'ont expliqué, al-mukallaf, c'est un terme que les ulémas utilisent qui désigne al-aqil al-baligh, l'être humain, entre autres, l'être humain qui est aqil, qui est doué de raison et qui est baligh, qui est ayant atteint la puberté. Donc la première de ces catégories de tarbiya, tarbiya dans le sens de l'éducation, le fait qu'Allah prend soin de ses créatures, ahaduhuma tarbiyatun bin ni'am al-madiyah ou naqul tarbiyatun tardiyah wal imdad bi asnaf ni'am al-ma'ash. C'est-à-dire le fait qu'Allah prend soin de ces créatures en leur octroyant des choses, il y en a des bienfaits qui sont relatifs à leur nourriture, par rapport à ce qu'ils ont besoin pour se nourrir, de ce qu'ils ont besoin en termes de subsistance, ce qu'ils ont besoin pour exister et subsister dans cette dunya, parmi les différents bienfaits relatifs à leur bien-être dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire ce qu'ils ont besoin pour vivre et exister. Ça, c'est une catégorie des bienfaits qu'Allah octroie et d'une éducation et du soin qu'Allah accorde à ses serviteurs et à ses créatures. الثاني تربية الله لعباده بما أنزله على رسله من وحيه هذه التربية الدينية. Ensuite, il y a la deuxième éducation. La deuxième manière, yani, par laquelle Allah prend soin de ses serviteurs. C'est le fait qu'Allah prend soin de ses serviteurs par le fait qu'il leur a envoyé, il leur a envoyé, il a révélé sa révélation à ses messagers et il leur a transmis sa révélation. Et ça, c'est une éducation d'ordre religieux. C'est-à-dire que c'est un soin qu'Allah accorde à ses serviteurs qui est d'ordre religieux, digne. Idhan. يمكن أن نقول إن تربية الله عباده منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني والنعم جمع النعمة. Il dit donc, ce que l'on peut résumer, on pourrait résumer la chose en disant que l'éducation d'Allah qu'Allah, et le soin qu'Allah apporte à ses serviteurs, il est soit dans un aspect dunyawi, dans un aspect mondain, c'est-à-dire ce qui est relatif à ce bas monde, et soit il est dans un aspect spirituel, religieux. Et le mot ni'am est le pluriel du mot ni'ma, qui renvoie à la connotation du bienfait, de la grâce, du don qu'Allah accorde à ses serviteurs et dont il fait bénéficier ses serviteurs, Azza wa Jal. Taïb. Ensuite, Cheikh Obed al-Jabri, il explique la parole de l'auteur, wa qawluhu, c'est-à-dire la parole du musannif, wa huwa ma'boudi laysa li ma'boudun siwah, et il est celui que j'adore et je n'adore nul autre en dehors de lui. Il dit, ça c'est la concrétisation du sens, de la connotation que revêt l'attestation de la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. C'est sa concrétisation et sa validité. La ma'bud, la ma'bud bihaqin siwahu. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en toute vérité si ce n'est yani lui. Ou la ma'bud haqq. Illallah, yani nulle divinité n'est divinisée de façon légitime, yani méritant cela, si ce n'est Allah. Hada huwa at-tahqiq ma'na la ilaha illallah. Ceci est la concrétisation du sens de la ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Ensuite, concernant al-ayatul karima, concernant le noble verset qui a été mentionné en tant que preuve, alhamdulillahi rabbil alamin. Soyez attentifs parce que ce verset-là, on le récite combien de fois par jour? Je fais une petite pause, une petite parenthèse ici. Sourate al-Fatiha, elle a été appelée Umul Kitab, car elle contient l'essence de ce qui est développé dans le Coran et résumé dans une seule sourate. Sourate al-Fatiha. C'est pour ça qu'on l'appelle la mère du livre. Elle contient l'essence du Coran en elle-même. Et cette sourate, il a été rendu obligatoire de la réciter minimum. Minimum, c'est-à-dire si tu fais Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Al-Aisha, tu vas la répéter 17 fois par jour. En 24 heures, tu vas la répéter 17 fois. Si tu fais les 12 nawafil, ça va être 29 fois. Si tu fais yani, tu fais qiyam lail avec les 11 rakat, ça va être une quarantaine de fois. Donc, profite de ces fawaid qui vont être mentionnés concernant ce verset-là. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes. Cheikh Ubayd al-Jabri explique le terme Alhamd. Il dit Alhamdu wa thana'u ala Allah Azza wa Jal. Alhamd, c'est un terme qui fait référence à thana'u ala Allah, l'éloge qui est adressé à Allah. C'est-à-dire l'éloge qui est émis, qui est prononcé par le serviteur vis-à-vis d'Allah. Wa mujibu, excusez-moi, wa mujibu alhamdi ni'amuhu al-zahira wal-batina. Et ce qui fait que la personne loue Allah dans ce contexte-là, c'est le fait qu'Allah est celui qui a accordé les bienfaits tant apparents que cachés. Il dit, et là c'est un point important, je vous invite à être concentré parce que ça va être un petit peu compliqué. Il dit, Alhamd, yufarraqu baynahu wa bayna shukr. Donc là on est en train d'aborder quoi? La différence entre Alhamd, qui est la louange, et Ashukr, la gratitude, le remerciement. Il dit, falhamdu yakun ala ni'mah wal musibah, wa shukru la yakun illa ala ni'mah. Donc là c'est la première distinction. Alhamdu yakunu ala ni'ma wal musiba. C'est-à-dire qu'on loue Allah, on dit alhamdulillah ala ni'ma, quand on reçoit une ni'ma, un bienfait, quelque chose de bien, on dit alhamdulillah. Wal musiba, et la calamité. C'est-à-dire que quand il t'arrive une calamité, une catastrophe, quelque chose de difficile, tu dis alhamdulillah ala kulli hal. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Donc tu loues Allah, donc alhamd, il est quand il y a du bien ou quand il y a du mal qui t'arrive. Alhamdulillah. Tandis que ashukr, la gratitude, le remerciement, la yakunu illa ala al-ni'ma. Tandis que ashukr, la gratitude, la reconnaissance, ça ne va être qu'en réciproque suite à un don d'un bienfait. Ça, c'est la première distinction entre alhamd wa ashukr. Ensuite, il dit walhamdu yakunu bil-lisani faqat. Et la louange se fait et s'accomplit que par la langue, uniquement. C'est-à-dire que quand tu veux louer Allah, quand tu veux faire l'alhamd, ça va se faire comment? Par la langue. وَالشُّكْرْ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ. Tandis que la gratitude, c'est-à-dire le remerciement vis-à-vis d'Allah, ceci ne se fera par la langue, le cœur et le jawarih. Je développe un peu ici, quelque peu. C'est-à-dire le fait que le remerciement va se faire par la langue. Le fait de remercier Allah, d'affilier ce bienfait à Allah, de dire que c'est Allah qui t'a accordé ce bienfait, de louer Allah, etc. Ça, c'est avec la langue. Avec le cœur, par le fait de croire dans ton cœur et d'être convaincu que cette richesse ou ce bienfait, ces ni'am dont tu jouis et dont tu bénéficies dans ta vie, tu sais que ça vient d'Allah et tu crois ça fermement en ton cœur. Ensuite, bil jawarih, et là, ce Cheikhouna Cheikh Khalid al-Ghafiri avait dit que énormément de musulmans sont déficients dans cet aspect. C'est-à-dire, il avait donné l'exemple des richesses, des biens pécuniers, l'argent. Il avait dit, beaucoup de musulmans ont de l'argent. Et beaucoup d'entre eux ont dans leur cœur comme croyance que cet argent, c'est un don d'Allah. Et beaucoup d'entre eux ont loué Allah avec leur langue. Ils ont dit, alhamdoulilah, ils ont dit que c'est ce bienfait vient d'Allah. Mais est-ce qu'ils ont été reconnaissants avec les membres? C'est-à-dire, en utilisant ce bienfait-là, qu'est l'argent, dans le halal. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils l'utilisent dans le haram. Non. Ensuite, il y a un vers de poésie qui mentionne ces trois bienfaits, yani le bienfait de la langue, le bienfait du cœur et le bienfait des membres. Yani afadatkum an-na'ma minni thalathatan yadi wa lisani wa ad-damir al-muhajjaba. En fait, ce vers de poésie fait mention de trois bienfaits. Il dit chez Ubayd al-Jabr, il le décompose en mentionnant yadi min al-jawarih, c'est-à-dire ma main, ça fait partie de des bienfaits que tu as parmi les bienfaits des membres. Al-lisan, al-qawl. Al-lisan, c'est-à-dire le fait, yani, de parler. Wad-damir al-muhajjaba, ça fait référence à al-qalb. Taïb. Et justement, Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne fal-insanu yaqul lil-mun'imi alayhi. L'être humain dit, yani, lorsqu'il s'adresse à celui qui a été bienfaisant vers lui, c'est-à-dire quand quelqu'un a été bienfaisant à ton égard, il a été bon envers toi, tu dis shakarallahu lak, yani qu'Allah te soit reconnaissant envers toi, c'est-à-dire par rapport au bien que tu m'as fait, qu'Allah te rétribue. Jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense en bien. Hada billisan, tu as été reconnaissant vis-à-vis de celui qui a été bienfaisant envers toi par la langue. Wa qad yamuddu yadahu wa yusafihuhu. Et ou bien des fois, il peut même aller jusqu'à remercier la personne qui a été bienfaisante envers lui par le fait de lui tendre la main et de lui serrer la main. وكذلك يستشعر بقلبه انه انعم عليه. Et de la même, il y a ni vis-à-vis de la personne qui a été bienfaisante envers toi, tu peux ressentir dans ton cœur que cette personne-là, tu ressens dans ton cœur que cette personne a été bonne avec toi, c'est-à-dire qu'elle a été bienfaisante à ton égard. وبدأ الله عز وجل اربع سور غير الفاتحة بالحمد متبعا ذلك بموجب الحمد. Donc, et ensuite, Cheikh Obeid al-Jabari, il va mentionner quatre passages du Coran, qui, en dehors de Surat al-Fatiha, qui en est un cinquième. Donc, en plus de Surat al-Fatiha, il y a quatre sourates du Coran dans lesquelles Allah commence, après la basmala, yani le premier verset qui apparaît, c'est un verset dans lequel Allah proclame sa louange, et cette louange est mentionnée, liée, ou plutôt suivie, de ce qui est la cause de cette louange, c'est-à-dire par rapport à quoi Allah est loué. Il dit « فَهَذِهِ الْآيَةِ مُجِبُ الْحَمْدِ رُبُوبِيَةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ رُبُوبِيَةُهُ لِعِبَادِهِ » Donc, le verset de Surat al-Fatiha. Allah a dit « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ » Toutes les louanges en étant Allah, le Seigneur des mondes. Par rapport à quoi Allah est loué ? Par rapport à sa seigneurie souveraine qu'il a vis-à-vis de ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il est leur seigneur souverain. Azzawajal. Ensuite, il est 22h15, Inch'Allah, on va s'arrêter là, comme ça on abordera les 4 d'un coup. On abordera bi-idhnillahi azzawajal, les 4 d'un coup, Inch'Allah, dans le cours de la semaine prochaine. Bi-idhnillahi azzawajal. Comme ça, on fait les 4 d'un coup et on poursuit dans le kitab. Bi-idhnillahi azzawajal. Hada wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته